êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 19 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante, François-Louis Marchand s'en vient en quelques minutes, j'imagine. Ah, on commence l'émission tout de suite en musique, hein, parce qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. Pas d'invité, pas de chroniqueur à J-Pantout. Non, un semblage de faire des chroniques, moi, des chroniques maison, comme on appelle. On va voir CNX, c'est un fait. Et puis, en plus, un petit peu de Kinky Sexy Time Edition. Je sais que ça intéresse bien du monde, donc je vais faire ça dans l'émission d'aujourd'hui. Ça va être parfait. Si tout va bien, si François est prêt, on fera un Tu manges mon cœur aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des choses qu'on aime. On débute avec l'indice. Voici une meilleure personne. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Aujourd'hui, j'ai changé de corps, j'ai pris la forme. Thank you. gonna get my bricks out in the sticks, bit by bit. I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da. Of a little Wiccan thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, mother, et bit by bit. Assemblage requis, 7h09 minutes. Mathieu Plante, toujours avec vous. Hein? François-Olivier s'en vient dans peut-être une quinzaine de minutes, donc ne vous en faites pas avec ça. Sa voix mielleuse, matinale et chocolat chaud, thé, mettons. S'en vient tout à l'heure. On va avoir plein de bonnes chroniques pour vous. Mais moi, là, ce que je veux faire, là, c'est continuer ce qu'on a commencé lundi et qu'on a continué hier. Hein? C'est comme une genre d'évolution musicale qu'on fait. On vous présente nos pièces et nos artistes et nos albums préférés de 2012. Hein? C'est très, très original. On est rendu à de l'anglophone un petit peu, hein? Parce qu'on n'a pas encore fait jouer de Stars. Et Stars est vraiment un des groupes que j'aime le plus. Et cet album-là, The North, qui est sorti cette année, est absolument fantastique. Donc voici The Theory of Relativity. C'était leur premier extrait sur cet album. Vous êtes à l'assemblage requis. Well, the only way I see this happen is in an extended ride north. Down in the schoolyard, they all fell to their knees.

La formation Mauve et la pièce Annie Hall, formation locale, Mauve, on les adore vraiment, vraiment, vraiment fort. Leur album est sorti en octobre 2011, ça fait quand même un bout de ça, mais on a vraiment joué beaucoup l'album, même jusqu'en 2012, donc c'est pour ça qu'on le fait jouer aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, il est 7h17 minutes et avant de faire toute chronique que ce soit, quelconque chronique que ce soit, je pense, mettons qu'on si on veut surutiliser la lettre Q. j'ai envie de faire entendre deux pièces qui sont vraiment bonnes et je les fais jamais jouer parce que Colin, j'y pense pas. Puis tu sais, on a nos bons vieux stand-by du palmarès. Puis tu sais, quand on fait jouer des choses différentes de ça, ben c'est des choses qui ressemblent à du palmarès. Dans ce cas-ci, ça ressemblera pas du tout. Hein? On écoute Get Set Go plus tard, mais pour l'instant, voici Kissinger et Vicario. So depressed, and I'm gonna spend the rest of the week in bed until the next NSFW. The show is through and it breaks my heart, 'cause I just can't bear to be apart from Brian and Justin of NSFW. Oh, I'd rather die in a fire than to spend a single moment without Brian Brushwood. Oh, I'd rather be dipped in honey and fed to a big ant pile than do without Justin Robert Young for even a little while. Oh, NSFW, I love you. NSFW, I love you. La formation Get Set Go et NSFW, End of the Night Song. Et avant ça, on a entendu Vicario par Kissinger. Ce sont les chansons d'ouverture et de fermeture de l'émission NSFW sur Internet. C'est une de mes émissions préférées, même que je pense que ça a pas mal dépassé mon émission préférée dont je vous parle une fois de temps en temps, Attack of the Show. Donc, allez voir nsfwshow.com. C'est en anglais. Fait que, tiens, arrangez avec ça. La prochaine émission, c'est vendredi, 21 décembre à 22h. C'est l'heure spéciale de Noël et de la fin du monde en même temps. Ça va être bon, ça, je pense. NSFW avec Brian Brushwood et Justin Robert Young. Toujours assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand qui s'en vient incessamment ou incandescemment ou peu importe la sorte de lumière que vous voulez utiliser. On s'en retourne avec notre liste de choses qu'on a aimées cette année en 2012 et on est encore en angle fun parce que moi, j'adore Run with the Kittens. Oui, je sais que c'est des affaires récentes, mais on dirait que la fin de l'année a été vraiment plus remplie de choses que j'aime, moi, personnellement, Mathieu Plante. Donc, Run with the Kittens, tout de suite, Weight of the World, assemblage requis sur C'est fou. Same domain. Let me hand you another payload. Let me give you all a piece of my mind. Oh, girl, ain't no assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Hein, tu trouves-tu qu'elle construit à partir de matériaux de qualité, toi, ta journée à matin, François? Non, matin. C'est pas mon meilleur matin, mettons. Non. Raconte-nous ton histoire de ce matin. Il vient d'arriver, là. Il est pas là depuis le début de l'émission, François. Là. Non, c'est ça, exactement. Écoute, on a perdu le courant chez nous. Bon. À Saint-Maurice, il y a pas d'électricité, donc écoute... Encore en ce moment, il y en a toujours pas. Non, c'est ça. Et j'ai appelé avant de partir chez Drew, tu sais, tu peux appeler... Oui, savoir s'il y a eu une panne, ils sont au courant de la panne. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a été signalé et quand ça va revenir. Il disait que ça revenait vers les 12h30. Mais Colin, c'est quand même un bout de temps, ça. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Et puis, comme vous en doutez, en fait, comme ma voix, comment tu disais, chocolatée. Chocolat chaudé. Chocolat chaudé, ouais. Mais ce matin, elle n'est pas chocolat chaudé. En fait, c'est rien ça. Dans la bouche. Ça, non, ça. C'est ça, j'ai pas déjeuné. C'est pas mon meilleur matin. Là. Et là, en plus, ta copine est à la maison avec... nouveau petit Lucas. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, pas très âgé. Hein? Non, hein? Une semaine. Deux semaines? Ouais. Ah, la semaine au complet. Ouais, OK, deux semaines. Ben, une semaine et demie. Ouais, mais non. On s'entend là-dessus. On se canera pas pour des jours, là. Non, c'est ça, exactement. Et puis, c'est ça, en fait, là. Mais là, il se fait pas si froid. C'est pas si pire non plus. Pas si pire. Il faisait un degré en s'en venant tantôt. C'est ça, tu sais... Ça se tolère encore. Tu sais, il a neigé, mais il fallait pas trop déneiger l'auto. C'était pas si pire que ça, c'est bien sorti. Bon. Hey, mais hier, il y en a-tu tombé? Oui, mais c'était beau. Sacrifice, j'ai resté pogné ici à l'université. Ouais. Je remercie les bons Samaritains qui m'ont aidé à... Les gens avec des pelles, qu'on appelle? Ouais. Qui m'ont aidé à pousser. Et puis le déneigeur aussi qui m'a fait comme un... Qui m'a clairé ça, là, en arrière en arrière de mon auto. Avec pogné de quoi, là, pour elle? Mm-hmm. Hein? Hey, pauvre François. Mais bon. Hey, t'es là pour les prochaines 90 minutes. Yes, sir. Et tu sais qu'aujourd'hui, je sais pas si t'as entendu depuis le début de l'émission, on n'a pas de chroniqueur du tout. Du tout aujourd'hui. Ah, Maxime Bilodeau, il n'y a pas. Il l'avait dit la semaine passée, j'avais oublié. Ah, d'accord. J'avais une surprise pour lui. Ah, ben, dommage. Ah. Par contre, ce qu'on va faire d'ici la fin de l'émission, François, pour te renseigner un petit peu, comme dirait Alain Lefebvre, te mettre dans le bain. Me mettre dans le bain. J'aimerais ça prendre un bain et une douche matin, mais imagine prendre un bain, OK, avec un chocolat chaud au guimauve, OK? Oh, Matt. Avec la neige qui tombe dehors. Matt. Avec un petit foyer, puis oh, je suis chaud. Hein? Matt. C'est beau, ça. Donc, aujourd'hui, on va faire CNX. On va aussi avoir C'est un fait avec une partie de Kinky Sexy Time Edition, OK? Comme hier, finalement. Et... Si t'es prêt, tu vas devoir être prêt parce que sinon je vais en faire de ça. Tu manges mon cœur qu'on va faire aussi parce que ça fait trop longtemps. Okay. Trouve-toi un coup de cœur de même, là, sors ça, elle va vite là. Tantôt. Pour l'instant, on continue la liste de Noël, la liste de nos choses préférées en 2012 côté musical. Et on n'a pas encore entendu, à moins que je me trompe, Fanny Bloom du côté francophone. C'est vrai. Donc la voici, parfait. Assemblage requis sur C'est fou! Fanny Blue et la pièce Parfait, Parfait sur son album Apprenti Guerrière. C'est bon, ça? C'est très bon. C'est ce qu'on a préféré en 2012 dans le francophone, oui. Il n'y a pas grand-chose en francophone, faut vous le dire, là. Pas tant d'affaires que ça, mais dans ce qu'il y a eu, c'était bien bon. Oui, exactement. Ben, vous l'avez entendu depuis le début de la semaine, on ne vous apprendra rien. Non. François, on dirait que tu t'es fait craquer le dos, mais c'est ton écouteur. Hein? Ça a fait comme... Ah, ça a sonné, ouais, ça a sonné. C'était bien plaisant, je l'entendais d'ici à comme 2 mètres. Là, c'est des merveilleux écouteurs. Hein, fais-nous craquer ça. Qui fonctionnent très bien. Craque pas ça. Aïe, on dirait qu'il se fait craquer chez Kiro. Ouais. On aurait besoin de me faire craquer chez Kiro le matin. Bah, tu sais ce que ça donne, Kiro? Ben moi, ça fonctionne bien. Mais... Ah, ça doit dépendre des gens. Ça doit dépendre des gens. Bon. Donc, maintenant tiens, apprenons des choses ensemble. Allons-y. Comme la science et le comment dire, la science infuse. Science infuse. Je refuse la science infuse. Ouais, t'as refusé ça. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on commence avec un petit bloc thématique jeux vidéo. OK. Ça va être comme le corps jeux vidéo cette fois-ci. On commence avec Colin, un extrait audio que j'ai pas préparé. Ça commence bien. Je trouve ça, j'aime ça. On va le sauter pour tout de suite. On vient avec un autre sur Duke Nukem. Tu connais la série de jeux vidéo Duke Nukem? Oui, non? Ben oui. Ben, ça a été renommé temporairement. Ça, peut-être que tu le savais pas. Pendant un bout, ça s'appelait Duke Nukem. K-U-M. Ah, ouais, à cause de, ben, ça partageait le même nom qu'un vilain dans une série de dessins animés des années 90, Captain Planet and the Planeteers. Donc, il avait été renommé en Duke Nukem, N-U-K-U-M. Et puis après ça, c'est redevenu Nukem, N-U-K-E-M. Après qu'on ait confirmé que Captain Planet n'avait pas de droit d'auteur sur ce nom-là. Eh bien. Intéressant. Je savais pas ça du tout. Moi non plus. Parlons des Simpsons un petit peu. Tiens, dans Call of Duty Black Ops 2, tu connais ça? Ouais. Il y a une référence. J'adore, d'ailleurs. Ben, est-ce que tu as joué à Black Ops 2, vraiment? Mm-hmm. Il y a une référence aux Simpsons. C'est une boîte de beignes roses. La boîte est rose et les beignes sont roses. Pareil comme ceux que Homer mange. Et ça, c'est dans l'usine nucléaire d'une carte qui s'appelle Meltdown. Meltdown. Nuclear Power Plant Map Meltdown. Oui, c'est ça. Meltdown, voilà. OK, ouais. Bon, c'est une référence aux Simpsons. Tu connais la map même. Ouais, dans ma tête ce matin, c'est pas clair, mais le nom me dit quelque chose. Rappelez-vous qu'il y a genre 1h30 de plus de sommeil, mais de moins réveillé. Ouais. Ça veut dire. T'as dormi plus, mais tu t'es réveillé tard. Et c'est con, hein, mais Dieu sait que j'aime manger le matin. Il y a quand même bien des gens. Ah, sac. Ça part bien une journée, mais bon, pas grave. Que voulez-vous? En Corée du Sud. Voilà. Donc, attends un peu. En Corée du Sud, qu'est-ce que c'est possible? Mm-hmm. Ils ont banni les importations culturelles japonaises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est en Corée du Sud. Ils ont banni les importations japonaises. On se comprend? OK. Donc, le Sega Master System et le Sega Mega Drive ont été distribués par une compagnie sud-coréenne, Samsung. Tu connais peut-être Samsung? Samsung. Et ils ont été renommés le Game Boy, G-A-M, étoile Boy, et le Super Game Boy. OK? Donc, des marques de commerce qu'on associe avec Nintendo, mais là, c'était pour Sega. Un peu bizarre. Donc, c'était distribué par une compagnie tierce. Samsung a aussi distribué, ça, c'est assez ironique ou bizarre, Samsung a aussi distribué la Nintendo Game Boy en Corée du Sud et l'a renommé le Mini Come Boy. Non, oh, ouais. C'est sûr que tu dis come comme syllabe, c'est ouais, c'est... Mais bon, le Mini Come Boy... D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas les références au nom des consoles, en Amérique du Nord, la Sega Mega Drive s'appelle la Sega Genesis. Ouais. Maintenant, c'est clair? OK. Voilà. Dans chaque jeu d'Assassin's Creed, le personnage principal assassine de vraies personnes et la date et l'endroit où ils sont tués sont toujours les dates précises de la vraie mort des vrais personnages qu'on assassine, les vrais gens. Donc ils disent, et je cite, on a une règle. Toutes les personnes meurent dans la bonne année, au bon endroit, ils doivent être de vraies personnes. Donc ça c'est le directeur créatif d'Assassin's Creed 3, Alex Hutchinson, qui a dit ça. Quand même intéressant ça, j'aime ça. Maintenant, retournons sur la Dreamcast. Dreamcast? Ben oui, c'est la Dreamcast de Sega. Il se passe encore des choses là-dessus? Ben toujours, ben, historique. Hein? Historiques, c'est rarement récent. Donc, la boîte alternative de la version européenne de Jet Set Radio, qui s'appelait à l'époque Jet Grind Radio, le personnage Beat a 6 doigts. Tu vas voir sur la pochette sur assemblagerequis.com. 6 doigts. On voit les quatre doigts sur le côté de la canne de graffiti de spray, son pouce de l'autre côté et son index, si on veut, sur le bouton pour appuyer, pour faire du... Bon. Et là, j'étais en train de lire sur Wikipédia que vraiment le jeu s'appelait Jet Grind Radio, la première version, même en Amérique du Nord. Pour une raison de copyright, ça n'explique pas trop pourquoi. Mais ça a été renommé plus tard à son vrai nom Jet Set Radio et c'est encore comme ça que les rééditions sont publiées sous le nom de Jet Set Radio. J'imagine que ça a dû être réglé. Eh bien. Parlons de Star Fox maintenant. Star Fox, c'est le jeu d'avion. Eh oui, sur Super... 60... Ben, Non, 60... Ouais, 64, t'as raison, je pense. Je pense que la première version, c'est 64. Ouais. Je suis pas certain de ce que j'avance. Ouais. C'était cool, mais sans plus. Ben, c'est un jeu culte. Disons que les fans qui aiment ça aiment beaucoup ça. Ouais. Moi, c'est pas mon genre. Ouais. Et ça, il y avait ça et Pilot Wing. Oui, ça j'aime plus. Ça c'est cool, hein? Ouais. Dans les anneaux, tu faut que tu passes ton anneau. Ouais, Delta Plan, t'avais quoi? Parachute. Ouais, parachute. Ouais, ouais. Le canon, je me rappelle du canon, ça c'était cool. Moi j'ai joué surtout au 3DS quand il était sorti l'année passée. Ok. Et ça c'était comme un genre de suite, donc il y avait peut-être plus d'affaires. Fait, ok, hélicoptère aussi? Ouais, je pense qu'il y avait hélicoptère. Ça c'est le fun. Des petits défis comme ça. Ouais. C'est difficile, mais c'est le fun. Pas de violence. Non. Donc si on revient à Star Fox, le barrel roll qu'on t'a demandé de faire, en fait, Pepi, le personnage de Pepi. Tu te demandais de faire un barrel roll en appuyant sur le bouton Z ou R deux fois. Mais le barrel roll qui a été popularisé dans Star Fox 64 n'est pas vraiment un barrel roll du tout. En fait, c'est un aileron roll. C'est seulement dans Star Fox Assault, un des jeux suivants, qu'on pouvait vraiment performer un barrel roll. Dans le fond, si je vous décris c'est un petit peu... C'est quoi la différence? Ouais, c'est ça, c'est une vrille? C'est ça. La vrille, aileron roll, c'est vriller sur soi-même, mais en ligne droite. Donc, tu vrilles pendant que tu avances en ligne droite. La tête en bas, tu remontes en haut. Exactement. Alors que le barrel roll, c'est de virer et faire une boucle, un peu comme des chevilles. Ok, oui, tu montes super haut et tu redescends avec la tête un peu en bas. C'est ça, là. Mais t'es pas en ligne droite du tout parce que t'as fait vraiment une grande rotation. Ouais. Bon, ça c'est un barrel roll. Hein? Ah, ok. Expliquer ça à la radio, c'est moyen, mais je pense qu'on a réussi. Oh, on a bien fonctionné. Ensuite, c'était mon extrait musical que je ne trouve pas préparé, là, mais ça s'en vient. Et en plus, ça en est un maudit bon. On va y aller tout de suite avec celui-là, tiens. Voici donc... c'est pas celui-là qui est bon. Il est plus tard, celui qui est bon. Mais c'est pas grave. OK, on continue pareil. Le thème de Lavender Town dans Pokémon Green Version a été changé entre la sortie nord-américaine et la sortie japonaise. La version originale avait son pitch un petit peu trop élevé. Et c'était impossible de l'entendre. C'était juste à l'extérieur de ce que les adultes peuvent entendre. Mais les enfants, eux, pouvaient l'entendre. Et on disait que ça causait des maux de tête. Ce qui a mené à des rumeurs disant que le thème avait été changé parce que des enfants japonais se sont apparemment suicidés après que la chanson leur ait donné un trop gros mal de tête. Ben. Donc, on va l'écouter. C'est la version originale de Lavender Town. Mais faites attention à vous autres. Ben, j'ai pas déjeuné. Hein? Ouais. Blablabla. Barrel roll. Ah! C'est vrai que c'est aigu, là. Ouais, c'est aigu, là. OK, écoute. Tu peux baisser le son, tu sais. Ben oui, c'est un Game Boy, il y a un volume là-dessus, c'est ça. Ben, il y a un volume, c'est Game Boy? Oui. Non, c'était pas du sarcasme. C'est vrai. Ben, son volume, ça donne des mots de tête. Hein? Tu sais, écoute, c'est rare, mais en fait, dans le temps, là, je sais pas, tu me corrigeras peut-être, mais les trames sonores de jeux vidéo, surtout au Game Boy, c'était pas la grosse coche, à part peut-être Tetris. Mais c'est un style musical particulier que moi, personnellement, j'adore. T'aimes bien. Mais ça, t'aimes ça ou? Je t'en fais plus jouer du chiptune. Je sais, et je t'en remercie. Ouais. L'année passée, je faisais jouer une chanson de musique de jeux vidéo old school par jour, presque, ou deux, trois fois par semaine. Et là, j'avais des... Des mots de tête. Et tu t'es suicidé à chaque jour. Des fois, ça me passait par la tête. Ah ben, bon. Colin, mon tannant. Non, c'est pas vrai. C'est pas fin, ça. Mais sinon, mais ça, est-ce que t'aimes ça ou... Non, celle-là me déplaît un petit peu trop. Il n'y a pas vraiment de rythme. Trop pigu. Mais il n'y a pas tellement de rythme, en effet. Tu sais, c'est... Ce que tu me faisais jouer l'année passée, au moins, il y avait un certain rythme. Ça avait du sens, hein. Il fallait que je recommence à t'en faire jouer au moins une fois par semaine. Non. Comment? Non. Alors, on va laisser la musique aller pendant que ça joue, tiens, c'est la moitié. Non, t'es sûr? OK, je l'arrête. Ben non, mais on va repartir, c'est un fait. Tiens, bon. Ouf. Oh, Colin. Mal à la tête, là. Tu sais, quand t'envoies des lettres, François. Ouais. Des fois, tu vas écrire des lettres ou des courriels. Hey, j'ai trouvé un moyen. Hein? Oui. Raconte-nous donc comment t'envoies des lettres gratuitement, mon frère. Non. Ah non, mais écoute, hier, je pensais à ça. Hier, écoute, j'avais des lettres à m'aller. Puis je me suis dit, d'abord, si quelqu'un n'a pas de timbre, il faut qu'il envoie une lettre. Tu sais, des fois, en fait, les timbres. Pour nous autres, notre génération, c'est rare qu'on a des timbres. Ouais. Sérieusement. Je sais pas, chez nous, moi, j'en ai jamais. Ça fait plusieurs décennies que j'en ai pas acheté. Puis, de temps en temps, c'est con, mais t'en as besoin. Ben, des fois, pour peut-être envoyer, renvoyer un colis ou c'est des trucs. Ouais, t'as commandé ça, ou t'sais, ouais. Des lettres au gouvernement de temps en temps qui faut pas que ça se fasse par Internet. Ouais, ouais. Et puis, en fait, c'est con, mais tu rentres l'adresse ou tu veux l'envoyer dans le coin gauche, l'adresse de retour. Donc, à la place d'écrire ton adresse, tu mets l'adresse de la personne à qui tu veux l'envoyer dans l'adresse retour. Ouais, c'est ça. Dans le milieu, t'écris quoi? Ton adresse. T'écris ton adresse. Si des fois, écoute, ça revient où ils sentent la supercherie, ils peuvent peut-être... Parce qu'en fait, les autres, il faut qu'ils le renvoient. Ils peuvent pas être pognés avec ça. Ouais. Et renvoyer une lettre coûte rien. En tant que tel, t'as pas besoin de mettre de pain. C'est ça, exactement. Mettons que tu l'as pas assez affranchi, ils vont te la renvoyer. Ouais. Je sais pas. Ben, écoute, appelez-nous si vous l'avez déjà essayé. Mais c'est une bonne question, mais c'est que si t'écris ta propre adresse. Hein? Si t'écris ta propre adresse, pendant tu peux pas l'envoyer de chez vous. Tu peux pas la laisser au facteur parce que c'est que t'es chez vous. Non, si tu la mets dans une grosse boîte aux lettres rouges, ouais. Ben ils vont juste te l'envoyer à toi. Ben ça dépend si ton adresse tu l'as marqué à gauche. Ouais. Dans l'adresse de retour. Tu sais, ton adresse de retour devient ton adresse principale où tu veux l'envoyer. Oui, mais le destinataire normalement est au milieu de l'enveloppe, donc ils vont essayer de l'envoyer au milieu. Ben oui, mais vu qu'il n'y a pas de temps, ils vont le renvoyer. Ah, vu qu'il n'y a pas de time. Ouais. Ah, j'avoue, vu qu'il n'y a pas de time. C'est vrai. Ou si, écoute, tu mets un time d'un sou. Ça existait, je sais pas si ça existe encore. Ouais. Mais comme ça, il n'est pas assez affranchi. Ah, j'ai pas pensé à ça. T'as raison. Mais... Ah, les times, c'est bizarre. La seule raison pour laquelle ça existe, les times, c'est vraiment pour faire de l'argent pour Post Canada. Parce que sinon, je veux dire, ça coûte rien de plus ou rien de moins de l'envoyer que ce soit plus lourd ou plus léger, le paquet. Non, c'est sûr. En fait, c'est plus la place aussi. Mais ça, ouais. Mais ouais, t'es vraiment un crosseur né, toi, hein? Non, mais je sais pas, écoute, j'ai pensé à ça. Je sais pas si ça fonctionne. Si vous l'avez déjà essayé, fais toujours me téléphoner 819-376-1183. Tu fais attention à ce que tu dis, toi. Oui, non, mais c'est parce que sérieux, avec la technique de renvoi de produits dans des magasins qui acceptent n'importe quoi comme retour, ta technique est accroche rare, là. Elle est accroche rare, mais en même temps, écoute, si. Écoute, tu t'achètes, je vais vous le dire, hein, parce que. C'est confus, là. Ouais. Écoute, c'est pas toi, c'est un ami. Ouais, c'est ça. Exactement. Écoute, c'est un ami. C'est un bon ami. Écoute, je le connais bien. On l'appelle FF. Je le connais depuis environ 28 ans. Mais bon. tu t'achètes un article, OK? Écoute, tu mets. Une paire d'écouteurs, maintenant. Ouais, une paire d'écouteurs que tu as payé relativement cher. Écoute, que tu peux t'attendre à un minimum de qualité, un minimum de longévité. Ben, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, écoute, au bout de je te dis pas, là, ça fait 5 ans, là, puis, tu sais, le modèle est dépareillé, puis... Non, ça... Tu l'as usé à quoi? Ça, c'est correct, mais tu sais, ça fait un an, t'as payé quelque chose assez cher, t'as pas la facture. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il casse, là, la branche est cassée, tu fais quoi? Tu retournes là-bas, puis... Tu vas t'en acheter un autre paire, pareil. Là, tu la payes plein prix, t'achètes la même paire. Tu retournes chez nous, chez vous. C'est ça, exactement. Tu remets dans la boîte, tu remets ta vieille dans la boîte qui fonctionne pas bien. Tu reviens au magasin, tu dis, hey, ben, c'était brisé mon affaire. Ouais, rembourse-moi. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça. Eux autres perdent pas l'argent. Ben, non, ils renvoient ça à la compagnie. Puis écoute, les compagnies, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu financièrement, en tout cas. Ben, ça va bien. Ils ont pas l'air d'avoir vraiment besoin de moi. Puis, de toute façon, écoute, j'ai déjà payé une paire. Ben, puis, c'est à eux autres de faire un produit qui dure et. Ça, c'est vrai, par exemple. Déjà qu'ils te le vendent à un profit de la mort, là. Ben, ça n'en pas ce prix-là. Non, jamais. Voilà, c'était la petite chronique. La crossique. C'est une crossique. La crossique à info. Une crosse par semaine d'info. Ce serait pas pire comme chronique. Tu peux nous amener du convenu une fois de temps en temps. Crosse. J'aime ça. La crossique à info. Motocross. Là, j'en ai fait deux. Avoir su, écoute, j'en ai regardé une. Ah, c'est ça, hein, tu vois. Là, tu me comprends. Moi, j'en garde pour la prochaine chronique. Hey, mais j'en ai déjà un autre. Ah ben parfait, garde-la pour toi. Là. J'en ai déjà un. Peut-être que demain on va avoir du temps. Je sais pas, on va voir. C'est peut-être des affaires que vous avez déjà vues ou déjà essayées ou déjà entendu parler. Bref, c'est la crossée qui est. La motocross, on aime ça. La motocross. On revient à mon sujet que j'étais en train de dire. C'est de quoi? C'est quand t'envoies des lettres. Ouais, c'est ça. Ça a déballé. Ça a déballé. Bon, excuse-moi. Donc, ok, t'envoies une lettre et tu signes ça XOXO, hein? XOXO. Ça dépend à qui tu l'envoies. Ouais, mettons ta copine. Ton copain. Peu importe. Ouais. Donc, ça veut dire des baisers et des câlins. Tu savais ça, le O veut dire câlin. Bon. OK. Une explication possible, c'est que le X est une représentation de deux bouches qui s'embrassent, selon les gens qui ont étudié ça. Okay. Alors que le O pourrait représenter deux paires de bras qui s'assemblent pour faire un câlin. OK. Donc, c'est un peu comme, on dirait, des émoticônes. T'sais. Mais les vraies racines pourraient être dans la religion. Pas dans le latin? Ben, dans la religion est le grec, en fait. Ah, le grec. Ouais. Donc, plusieurs personnes au Moyen-Âge ne savaient pas lire et écrire, donc ils signaient les documents importants avec un X, qui était une marque simple et une référence à la croix. C'est la croix sur le côté, tu sais. Bon. Donc, la personne qui signait embrassait le X pour démontrer sa sincérité et que ce qui était écrit dans le document était vrai, un peu de la même façon que les chrétiens embrassent la Bible pour montrer leur croyance en le Christ. Hein? Donc, à part faire une référence à la croix elle-même, le X faisait aussi allusion à un symbole chrétien très, très tôt dans l'histoire qui est le chiron, nommé en l'honneur de la combinaison des deux premières lettres du mot grec pour Christ, qui est XPI, un petit 3 sur le côté, T-O, okay. Un petit 3 sur le côté. Bon, c'est du grec, là. Donc, retracer les origines maintenant du haut pour représenter un câlin, c'est un petit peu plus difficile selon mentalfloss.com. Une explication possible est que les immigrants juifs, en arrivant aux États-Unis, utilisaient le symbole à la place d'une signature, un peu comme on signait avec un X chez les chrétiens. À la place d'utiliser le X qui invoquait donc la croix, et ça ne s'alignait pas avec les croyances juives, les gens illettrés juifs arrivés aux États-Unis signaient leur document d'un O. Donc, combiné avec l'utilisation chrétienne du X et donc le baiser, comme on a dit, le O était sûrement été adapté pour symboliser le câlin et la représentation de la sincérité et du sentiment sur des notes, des lettres ou même des courriels. Intéressant, non? Oui, quand même, pas mal. J'aime bien ça. Va sur Google.com. Et là, je sais pas si ça va fonctionner sur la version canadienne. Tape Festivus, F-E-S-T-I-V-U-S. Et je sais pas si tu te rappelles ou si t'as déjà entendu parler dans un épisode de Seinfeld, le Festivus, c'est ce qui remplace Noël pour certains depuis, parce que ça a été créé par les gens de Seinfeld. Ils ont inventé le Festivus, qui est représenté par une pôle de métal. Ouais, c'est ça, à gauche? Ben c'est ça, ben c'est la pôle de métal du Festivus. Ah. Et il y a même une page Wikipédia, si vous voulez vous renseigner sur le Festivus, quand est-ce qu'on célèbre ça, c'est-à-dire le 23 décembre. C'est une fête non religieuse célébrée le 23 décembre comme alternative à Noël, et c'est vraiment créé par Seinfeld, c'est pas... est-ce que ça a été créé par Seinfeld? C'est devenu une partie reconnue de la culture populaire après avoir été mise en vedette dans un épisode de la série télé Seinfeld. C'était créé par l'écrivain Dan O'Keefe. Il a été célébré par sa famille en 1966 pour la première fois. Puis, j'essaie de voir si c'est un gars qui travaillait sur Seinfeld. L'épisode a été écrit par son fils. Daniel a été mis en vedette dans Seinfeld. Donc, dans le fond, il s'était basé sur l'histoire de son père qui célébrait vraiment en blague le Festivus avec une pôle de métal. Eh bien. Moi, cette année, encore une fois, à chaque année, j'y fais référence. Le solstice d'hiver, t'as le Festivus, puis après ça, t'as les fêtes religieuses. C'est beau, hein? C'est beau. Festivus. En juillet 1934, Babe Ruth, joueur de baseball, c'est ça? Baseball, ouais, Babe Ruth? Ben oui. A payé un fan 20$ pour qu'il lui redonne sa balle qu'il a frappée pour son 700e coup de circuit en carrière. Donc, il a payé son fan 20$. Donne-moi ma balle! Et 20$ dans le test, c'est beaucoup plus gros que... En 1934, on s'entend, ouais. ça va être de l'argent. Kareem Abdul-Jabbar, tu te rappelles? Kareem Abdul-Jabbar, c'est un joueur de basketball. Hein? C'est le plus grand scoreur, comment qu'on dit, pointeur, gars qui fait des points. Ouais. Avec 38 387 points, c'est le gars qui a fait le plus de points de la NBA, de l'histoire. Et lui, il collectionne des tapis. C'est fou, hein? Déjà, collectionne n'importe quoi. T'as une méchante grande maison si tu peux te permettre de collectionner des tapis d'en voir partout. Ouais, c'est sûr. La plupart des cigarettes contiennent de l'ambergris. C'est du vomi de baleine. Du vomi de baleine? Et ça ajoute de la saveur aux cigarettes. Eh bien. De l'ambergris, A-M-B-E-R-G-R-I-S. Un éléphant de grandeur moyenne peut lever des objets de jusqu'à 500 livres avec sa trompe. 500 livres. Pas pire, ça. Et? Tous les ours polaires... Savais-tu, François? Tous les ours polaires. Tu sais, les ours, mais ils sont polaires. Ils sont l'hiver. Blaine? Ils sont tous gauchers, François. Hein? Ils sont tous gauchers. En hommage à ça, voici Vanessa Parietaire, Canicule et ours polaires. On vient avec Kinky Sexy Time plus tard. Sound. dans nos vies, canicule et ours polaire. La pièce Canicule et ours polaire, vous l'avez entendu, vient de le dire, c'est de Vanessa Parietas sur leur maxi du même nom qu'on peut retrouver gratuitement sur Assemblage Requis, sur assemblagerequis.com. Sur vanessaparietas.com. Mais pourquoi Assemblage Requis? Parce que c'est eux, évidemment, qui ont composé notre si jolie chanson thème. Oui. Ah, et ce qui joue en ce moment, la chanson de fermeture d'heure. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Peut-être aurons-nous du nouveau de Vanessa Parietas l'année prochaine. Wink, wink, clin d'œil, clin d'œil. 2013. Wink, wink, wink. Hein? 2013. 2013. Moi aussi, je suis capable. Des clins d'œil à radio, c'est difficile. Bon. Restez avec nous au retour. La chronique CNX, on aura aussi Kinky Sexy Time Edition et Tu manges mon cœur, troisième heure remplie de toi et de moi. Mano à mano. Mano à mano. Oh ouais. Merci. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. De retour à Assemblage Requis, il est 8h03 dans ce mercredi 19 décembre 2012. Il s'appelle François-Olivier Marchand. Lui, il s'appelle Mathieu Plante. Hey, mon espèce de Fallon. Mon Fallon. Espèce de Fallon. Dans quelques minutes, la chronique Tu manges mon cœur avec nos coups de cœur du mois. Presque, je pense. La semaine, on n'a pas fait depuis un mois du bout. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand, ça, quand on a le temps. Mais avant ça, on écoute une pièce que t'adores, juste comme ça. Hein? Oui, la formation Jet, ouais. La pièce sur l'Adida. Ben, l'Adida, c'est quand je me suis emmené en auto, j'étais un peu en retard, manque de panne d'électricité, je le rappelle. Je m'en rappelle, Et j'ai entendu l'Adida dans la pièce Mauve. Oui, ça m'a fait penser à ça. Ça chantait ces paroles-là. Mm-hmm. Les revoici donc. To me that way. Let it come down, let it all come down. Come on, come on, come on. Are you feeling the same? I will still be standing here when you walk away. I don't know anymore what I need and what for. All I know is there must be something more. La formation Jet et la pièce La-di-da. J'aime ça. La-di-da. J'aime ça, ça a beaucoup de rythme. Oui. Mmh, ça a du rythme. Mmh, c'est contrairement à Lali Lafay, non. Ça, c'est le moins, je pense, de trio, c'est ça? Ben, c'est pas si pire. Mais c'est pas te si mettre pire. Tantôt. Je me suis accoutumé. Ah ben. Hey François, une chose qui à laquelle on ne s'accoutume plus parce qu'on la fait pas baba souvent, hein? C'est la chronique Dimanche mon cœur. C'est vrai que ça coûte cher avoir des besoins et que ton cœur aime tant de choses. En tout cas, moi, c'est le cas. Hein? Ouais. Mon cœur aime bien des choses et plus j'aime ça, plus ça coûte cher d'aimer ces choses-là. Ça coûte cher, la vie. Ah, ça coûte cher, aimer. Ben, tiens, commençons. Je vais commencer cette fois-ci. D'habitude, c'est toi qui commence, mais là, t'as une pièce musicale, je vais te mettre à la fin. Parfait. Bon, on va se mettre à la fin. Parfait. Donc, la première chose que je veux vous mentionner, c'est le dernier numéro de Nintendo Power qui sortait ce mois-ci. C'est le numéro de décembre. Dernier numéro à... Es-tu abonné? Non. Non, je suis pas abonné. C'est le dernier numéro à vie de Nintendo Power. Il avait annoncé, c'était cet été ou au début de l'automne, que Nintendo Power allait fermer. Et ça m'a rendu très, très triste. Et depuis ce temps-là, j'achète chaque numéro. Malheureusement, le numéro de décembre n'était plus disponible. Je vais devoir le commander en ligne, en quelque part. Mais j'ai septembre, octobre, décembre. J'en ai quelques-uns du passé, mais j'avais malheureusement pas le numéro 1. OK. Une chance que quelqu'un l'a scanné en PDF. C'est disponible sur Internet, sur les torrents, donc pour retourner en arrière. La couverture est un hommage au premier numéro de Nintendo Power. Si tu vas sur assemblagerocky.com, dans la section « Tu manges mon cœur », j'ai posté l'article qui montre la première et la dernière couverture. Ils ont ajusté, d'ailleurs... En fond, c'est un hommage. On voit Mario sauter sur un... Dans l'original, c'est un champignon. Dans la version remodelée, c'est un Goomba. Il se poursuit par Bowser en arrière. Et dans le numéro 1, ils s'étaient trompés. C'était de la pâte à modeler, premièrement. Et ils avaient mis la casquette de Mario bleu. Okay. Au lieu de rouge, ils l'ont corrigé sur la version remodelée. Et en effet, si je regarde ça de près, c'est pas mal de la pâte à modeler aussi. En tout cas, je crois. Mais sinon, c'est pas mal mieux fait que le numéro 1. Et là, si on regarde à l'intérieur, il y a un poster avec chacune des couvertures de Nintendo Power depuis 1988. Il n'y a pas eu tant de numéros que ça de 1988 à aujourd'hui parce que ça sort une fois par mois. Et j'imagine qu'il y a eu des moments où ça sortait une fois ou deux mois. Donc, on voit vraiment toutes les couvertures sur l'affiche. Je vais m'en servir pour une fois de cette affiche-là, je pense. Mais c'est plus rentable? Non, j'imagine que non, parce que dans le fond, ça avait été racheté par Future, une compagnie Future Media, c'est une compagnie, si je me rappelle bien, britannique. Et puis avant, c'était Nintendo elle-même qui faisait Nintendo Power. Et je sais pas, ils ont décidé de fermer plusieurs magazines, dont celui-là, c'est vraiment triste. Pourtant, il y avait beaucoup de pubs dans ce numéro-là. Je sais pas pourquoi c'est pas rentable s'il y a autant de pubs que ça. Si on fait un petit peu le tour, bon, évidemment, un éditorial, les lettres des lecteurs de Nintendo Power. Des souvenirs, c'est vraiment surtout des souvenirs. Il y a le top 285 en référence au nombre de numéros de Nintendo Power qu'il y a eu. De jeux? De leurs jeux préférés sur toutes les consoles de Nintendo différentes. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'essaie d'avancer un petit peu plus vite là, parce que leur top est assez long et rempli de photos. C'est ce que j'ai aimé de Nintendo Power version Future Media. C'est des pages pleines de photos. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. T'sais, comparé à un site internet, où ça va être des petits JPEG compressés. Il y avait vraiment des belles photos. Les meilleurs moments de Nintendo Power, donc les différentes chroniques qu'il y a eu et qui ont été enlevées avec le temps, dont des bandes dessinées qu'il y avait à l'époque. Les révélations des nouvelles consoles. Évidemment, Nintendo Power était toujours directement sur la nouvelle aussitôt qu'une console était annoncée, comme l'Ultra 64 à l'époque et la Nintendo Dolphin. Tous les noms de code des consoles sont là-dessus pour vous rappeler plein de souvenirs. Donc non, vraiment, c'est un magazine fantastique que je suis très, très triste de voir partir, même si je le lisais plus à tous les mois. Contrairement à dans le temps, moi, je me rappelle, quand j'étais au secondaire, à la bibliothèque qu'on devait lire, j'avais clairement un Nintendo Power entre les mains. T'avais ça à ta bibliothèque? Non, j'étais abonné à l'époque, moi, c'est ça. Donc, je me suis abonné souvent, ensuite désabonné, ensuite rabonné, tu sais, dépendant des époques où t'as plus ou moins. Histoire d'amour et de haine. J'ai toujours aimé le magazine, je pense. Même si, tu sais, à l'époque où c'était fait par Nintendo, tu disais, bon, peut-être que c'est pas nécessairement la source la plus crédible pour les notes données au jeu. Ouais. Étant donné que c'est eux-mêmes qui font les jeux, mais bon, maintenant, je vois qu'ils essayent au moins. Regarde, celui-là, 6.0, là, c'est quand même pas une super bonne note. Là. Et ça termine, évidemment, le magazine avec une belle page très, très rétro. Game Over avec les gens de l'équipe en 8 bits. Okay. C'est très joli. J'adore. Donc, procurez-vous-le. Si vous étiez un fan et que vous avez perdu la flamme pour Nintendo Power avec les années, rachetez-vous au moins le dernier numéro. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est rempli de belles choses. Oui, tout à fait. Et deuxième partie de mon Tu manges mon cœur, avant de te laisser parler, j'ai une autre affaire à dire. Parce qu'on n'a plus, plus d'émission pour le reste de l'année, il faut se gâter. C'est ça. J'ai redécouvert, et là, je vais faire rire bien des gens, qui parce que j'étais tellement contre Google Chrome il y a quelques années. J'étais le gars qui était tout le temps en train de parler contre Google Chrome. Ça le, va bien. Le fureteur de Google. Et ça va très, très bien maintenant que j'ai réussi à l'apprivoiser. Okay. J'étais un fan fini de Firefox comme fureteur Internet. J'en parlais tout le temps. J'adore Firefox. J'adorerais Firefox. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il me plante tellement souvent dans les mains avec mes extensions que j'avais que j'ai fini par dire, bon, je vais essayer Google Chrome. Là, je mets pas ça parce qu'il y avait pas mes extensions que je voulais. Fait que je retournais à Firefox. Quand tu parles d'extension, tu parles de... Bon point. Je vais aller voir justement dans ma liste d'extensions en ce moment qu'est-ce que moi j'ai besoin. Mais moi, je suis très, très spécifique dans ce que j'aime, tu sais. J'ai des goûts très, très précis. Mais une extension d'un fureteur, c'est quoi? Ben, c'est par exemple AdBlock Plus pour cacher toutes les publicités. OK. Bon, ça, ça va. Il l'avait déjà sur Firefox, mais il l'avait sur Chrome, mais il fonctionnait pas si bien que ça. Maintenant, il fonctionne très bien. Copy all URLs. J'en ai besoin pour préparer mes chroniques parce que quand j'ouvre 50 onglets pour que c'est un fait, après ça, je fais le ménage et là, juste à cliquer sur le petit parapluie et faire copier et ça me prend tous les liens de mes onglets ouverts puis j'ai dump dans mon blog. Ah, c'est cool, ça. Ça fonctionne vraiment très, très bien, mais il y avait vraiment aucun équivalent dans Chrome jusqu'à très récemment. C'était la raison principale pour laquelle je restais avec Firefox. Sinon, il y a une extension qui s'appelle Link Clump. Si je vais, par exemple, sur assemblagerequis.com, je peux tenir la touche Shift, cliquer autour de liens, ça va me faire un petit carré en pointillé. Et quand je le lâche, ça va ouvrir les 21 liens. Par exemple, mettons comme là, je suis en train de préparer Kinky Sexy Time Edition, je clique sur Shift, je tiens ma souris, ça m'ouvre mes 21 liens que j'ai préparés ce matin chez nous. OK. Tu sais, donc vraiment, les deux étapes sont là. Je prends dans les liens, onglets. J'ai donc, ça m'y met dans des onglets un après l'autre, ça les ouvre tout en même temps. Okay. Et j'ai pas besoin de faire, tu sais, commande ou contrôle, faire clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, 21 fois. Okay, okay. Et puis Pocket aussi, très très bon, une très bonne extension qui me permet de juste cliquer sur un petit crochet qui apparaît comme un bouton à côté de la barre d'adresse et puis ça retient mes liens que je vais pouvoir lire plus tard sur mon iPhone, sur l'application Pocket, sur mon Mac, sur l'application Pocket, sur n'importe quel PC, me connecter à mon compte Pocket et là, je peux lire mes articles que je m'étais gardé pour plus tard. Avant, j'étais pogné pour envoyer des courriels à chaque fois. Tu sais, parce que dans le fond, la raison que Chrome fonctionne bien pour moi comparé à Firefox, c'est que Firefox avait une application iPhone, mais elle marche plus. Ils l'ont retiré de l'App Store. Ah ouais? Maintenant, tu peux plus avoir le Firefox Home, qui était même pas un fureteur. C'était tout ce que c'était. C'était une liste de tes signets. Préféré que tu avais sur ton ordinateur, ça les synchronisait sur Internet et là tu pouvais les ouvrir dans Safari. Mais Safari a pas de. Il n'y a pas d'extension dans Safari, donc tu peux pas envoyer un lien vers Pocket. Je peux rien faire avec Safari. Donc en installant Google Chrome sur mon ordinateur et sur mon iPhone, je peux avoir. Mettons, je vais ouvrir Chrome, tu sais. Ce que j'aime le plus, c'est mettons. Mais bon, ça remplace ton Safari? Ça le remplace dans le sens que. Safari, si tu l'as laissé sur ton téléphone, t'as pas le choix. Tu peux pas l'enlever. Donc à la place, j'ai mis Chrome dans mon menu en bas à la place de Safari. J'ai tassé Safari sur une autre page et maintenant, ben, les liens qui sont dans des courriels vont s'ouvrir dans Safari quand même. À moins que tu aies l'application Gmail. Parce que vu que l'application Gmail est faite par Google, il est privilégié sur Chrome. Donc, il sait que s'il est installé, c'est dans ça que tu veux l'ouvrir. Donc, moi, je vois plus Safari du tout. Et là, quand j'ouvre Chrome, j'ai une page de mes sites les plus récemment visités et les onglets les plus récemment fermés. Donc, c'est parfait. Si je veux me rappeler qu'hier, j'ai vérifié quelque chose sur n'importe quel sujet. Après ça, tu as l'onglet favori où je peux vraiment aller voir mes favoris de mon ordinateur qui sont synchronisés en temps réel. Et je peux avoir des favoris sur mon ordinateur, sur mon téléphone et autres. Donc, je peux vraiment classer comme je veux. Et en plus, tu as, comme dans l'ancienne application Firefox Home, c'est les onglets de mon ordinateur. Donc, je vais sur le petit dossier avec des flèches dessus. Ouais. Et vraiment, ici, je vois MacBook de Mathieu. Et là, ça me dit tous les onglets qui sont ouverts. Donc, vraiment, je regarde sur mon ordinateur. Et là, c'est les mêmes onglets. Et je peux l'ouvrir de et mon iPhone. Ouais, et quand t'es ferme sur ton ordinateur, il se ferme là. Exactement, c'est vraiment une reproduction de ta barre d'onglets. Et là, j'ai aussi Mathieu PC, qui est mon ordinateur à la maison de téléchargement, où j'ai une page d'ouverte. Donc vraiment, toute ma vie est synchronisée et j'ai plus à me soucier de m'envoyer des courriels ou de mettre des affaires de côté pour pouvoir aller les voir sur mon iPhone plus tard quand je vais être dans l'autobus ou quelque chose comme ça. J'ai qu'à les laisser ouverts à la maison, puis j'irai plus tard sur mon iPhone dans l'autobus voir les mêmes pages. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. Donc, c'est cool. Depuis les extensions qui ont été mises à jour et ces fonctionnalités-là qui ont été rajoutées, moi, je suis très, très, très, très heureux. Et évidemment, je dis MacBook, là, ça fonctionne sur les PC, sur Windows, tout ce que Google Chrome peut avoir, même les Android peuvent avoir les mêmes onglets. Sur Android, évidemment, Google Chrome fonctionne très bien aussi. J'ai essayé, ça marche à merveille. Donc, partout, Google Chrome, maintenant, c'est ma vie. J'ai beau avoir ri de ça pendant des années et des années. Mais bon, maintenant, c'est passé. Je suis passé du bon côté, faut croire. Du bon côté. Ouais. Voilà, c'était mes coups de cœur dans Tu manges mon cœur. Maintenant, c'est au tour de François-Olivier. Merci, Matt. Merci beaucoup pour tes coups de cœur. Écoute, mes coups de cœur, t'en fais un peu partie. C'est en fait tout le monde qui ont collaboré à l'émission Assemblage Reiki. C'est fin. De près et de loin. C'est un peu têteux, mais en fait, j'en profite parce que... un peu, je fais le signe d'un petit peu avec mon doigt. Un petit peu. Parce que, en fait, demain, c'est la dernière, et puis je pense que je voulais les faire maintenant. Ben, t'as bien raison. Demain, on a des chroniqueurs quand même, donc ça devrait remplir un petit peu plus de temps. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en fait, je pourrais les nommer. Oui, vas-y, dans l'ordre, par jour, peut-être. OK. Lundi. OK, je vais essayer. Mathieu Plante, OK. Merci. C'est toi. OK. Sébastien Dulutte, qui est là le lundi. Véronique Mire. Oui. Alexandre Carignan. Ouais. C'est un peu tout pour le lundi. Mardi. Mardi, on a Maxime Tanguay. Oui. Michel Lebrun. Mm-hmm. Et puis... David Ferron. David Ferron, mais oui, certainement. La langue baveuse dans ton oreille. Oui, exactement. le mercredi, écoute, Anne-Julie Durocher. Ben oui. Jasmine Raymond-Rainville. Maxime Bilodeau, exactement, qui sera pas là aujourd'hui, c'est plate. Non, mais c'est pas j'en essaie de faire un câlin avant Noël. Ben oui. Bref, je me retiens. T'appelles Coco. Exactement. Et jeudi, François Landry et Maxime Bétuit. Exact. Merci beaucoup. Merci aussi à tous nos invités, que ce soit là, je nommerai pas tous. Monsieur Reptile, ça va de Michel Zéro. Ouais, Tolérance Zéro. East Road, Bears of Legend. Tout à fait. Évidemment, on mélange Assemblage Reiki et les Palmarès C'est Fou, donc tant qu'à remercier les gens d'Assemblage Reiki. Dans le fond, les Palmarès C'est Fou, c'est juste Assemblage Reiki, édition Palmarès, on s'entend là-dessus. Donc, Justine Renaud, DJ Catardi. On les remercie beaucoup. On les remercie elle aussi. Merci à vous d'écouter à la maison. Exactement. Et puis, écoute, j'en profite pour souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes. Non. Fait que voici, c'était en fait mon premier coup de cœur. Pour mon deuxième, écoute, j'en ai parlé brièvement hier. Je vous ai parlé de Chaos, le Canadien, en fait, qui habite à Toronto, qui avait sorti son album, je pense que j'avais dit en novembre. J'avais lu ça sur Internet, mais j'aimerais ça me corriger. En fait, son album n'est pas encore sorti. Il va sortir, un petit peu, j'avais ça en 2013. La date précise, je l'avais. Le 29 janvier 2013. Ah, c'est bientôt, ça. Et c'est un album double, hein? En plus? En plus. J'espère qu'on va l'avoir ici assez fou. On va espérer. Sinon, ben, on va le demander. Hein? Ouais, ça serait le fun. On est capable de faire ça. Et puis, écoute, on pourrait aller l'entendre. Et d'ailleurs, hier, je l'avais en tête là, pas mal toute la journée. Après l'avoir joué, vous l'aurez peut-être vous aussi en tête. Donc, voici The Dog Is Mine sur l'album Black on Blonde. Got to pack my things and go. Move fast, not slow. Dog is mine. Oh, you've got to pack your... Things that go, move fast, not slow. That dog is mine. You know that you gotta go. So go, I told you don't have to know. I tried to empathize, but white lies are darker than being tied. Now the sun is setting well. Things and go, move fast, not slow. The dog is mine. Oh, you got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. Go ahead, go ahead with your better self. We're more in love with somebody else. Sometimes it's better to live in sin than in love. Someone to win. And now the sun is setting well. We've got to let it go. We go to death for wedding bells. And tonight to know. Got to pack my things and go. Move fast, not slow. The dog is mine. Oh, you got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. Malibu, Prius drive. Who took who for a ride? Wild fox, black boots, more shots. Half truths, easy come, easy go. Yoga mat, Yoda flow. Canyon road, Hayden's house. Turn me up, fade me out. Birthdays, little word. Spare keys, incense. Argument, ecstasy. Don't stand so next to me. Computer screens, swallow. Look at all my followers. Everybody get down. I'm taking over. move fast, not slow. The dog is mine. Oh, you got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. Is mine. Move fast, not slow. The dog is mine. Move fast, not slow. That dog is mine. Chaos, c'est la pièce de Dog is Mine qui va se retrouver d'ailleurs sur l'album Black and Blonde. Qui va sortir le 29 janvier prochain 2013. On l'attend, c'est bon. Ben oui. Hey, sais-tu quoi? Tantôt, là, comme un bon, gentil jeune garçon, t'as remercié les chroniqueurs de l'émission. Exactement. Mais tel un sauvage ingrat, t'en as oublié une. Elle a bien oublié quelqu'un. Hein? On a oublié Stéphanie Paradis. Mais ouais, on s'excuse. Faut le dire, ben, on l'apprécie pas mal. Stéphanie Paradis, je lui ai dit mille fois que je l'apprécie, je pense. Bon, ça, on se comprend là-dedans. Mais elle est venue faire comme 3-4 chroniques pendant la session. C'est pas même main, on l'a oublié parce qu'elle était pas là chaque semaine. Sinon, là, tu vas la fâcher, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas de sa faute. T'es arrivé tard, là. T'es arrivé en fin septembre, quoi. Ouais. Puis elle a fait. Non, elle a pas commencé les chroniques tout de suite. Ben là. Non, on a dû la forcer, lui tordre le bras pour venir faire une chronique. Et maintenant, elle aime tellement ça qu'elle veut revenir. Hein? Ben, qu'elle revienne, puis qu'elle vienne à chaque semaine, on l'aime tellement. Hein? Yes. Parce qu'on l'a assez mis pour qu'elle comprenne qu'on l'apprécie. Je pense que non. Non. Faudrait que t'en rajoutes un peu. Je vais regarder mes messages des fois. Écris-moi. Non. Trop long. Elle a un Android dans ses longs qui est là. Une petite pin de mauvaise foi. On va retourner en musique maintenant. Après, Tu manges mon cœur, on a terminé la chronique ici. Et tantôt, on a écouté Ladida de Jet. Plutôt dans l'émission, on avait écouté Mauve qui disait Ladida dans sa chanson, dans les paroles. T'en as-tu un autre? Ouais, un trio avec Ladida Lafeu. Assemblage requis sur C'est fou. Restez là parce que tantôt, Kinky, Sexy Time Edition et CNX s'en viennent. Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine, la fée qui dit oui à la vie, elle promène dans la Rochelle, le fantôme de sa maladie, qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de la Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle, des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle, du lierre est monté sur ta tombe, et toi tu joues les immortels. La vie, la la vie, la la vie, la fée, la fée se parle. La vie, la vie, la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses toits. La vie, chantera de Lille à Paris, la Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle, car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces sorties sur le bord, grain de folie, grain de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de la Rochelle, ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Dont la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. La vie, la la vie, la la vie, la la vie, la fée, la vie, la fée se parle. La vie, la vie, la la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, la vie, la la vie, la fée. Cette chanson, elle est pour toi, pour ceux qui regardent le ciel, bravant la douleur et le froid, le compte à rebours éternel à ceux qui s'accrochent à la vie et qui la trouvent tellement belle. Quand elle vous sourit, vous défie, quand elle vous fait battre de l'aile. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, se parle. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, fait jouer la vie entre ses doigts. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La di la di la di la fée, Lady la fée, la fée se parle. La di la la di la la di la fée, fait jouer la vie entre ses doigts. La di la la di la la di la fée, Lady la. La di la la di la la di la fée, la di la la di la la di la fée, Lady la fée, la fée se parle. La di la la di la la di la fée, fait jouer la vie. Retour, on aura d'autres moments cocasses, ou ce que j'appelle maintenant dorénavant le nouveau terme, les mocasses. Des mocasses. Des mocassins. Cocasses. Ben, c'est comme le cousin des mocassins. Ouais. Tu portes ça sur tes pieds, des moments cocasses, puis bien confortable. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud avec mon œil de lynx. Hein, reste là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bétruy sera là pour sa dernière chronique ciné-télé à vie. Il s'en retourne en France, le mot t'a dit. Oh! Mais par contre, on va accueillir Stéphanie Paradis avec une nouvelle chronique. Oh! Oh, d'autres onomatopées de même. Oui! Oh! C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Ben oui, c'est toujours Assemblage requis. C'est l'avant-dernière émission de la session aujourd'hui. Demain dernière. Demain dernière déjà. Par contre, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire sans assemblage requis? Je sais que vous faites bien vos liaisons là, sans assemblage requis. Tout le monde fait ça, pas mal sûr. Tout est. Excusez-moi. Oui. Par les fêtes, on va avoir deux émissions spéciales. Oh, oh oui, c'est pour la première fois que je l'annonce comme ça. Là, je ne l'ai jamais dit avant, mais deux émissions spéciales d'assemblage requis, édition Best of pendant les fêtes. Ça va jouer les 26 et 27 décembre. OK. Ainsi que les 2 et 3 janvier. Case originale normale, 7h à 9h. Il va y avoir une émission complète dédiée à Maxime Bilodeau. Ça s'appelle « D'une foulée à l'autre ». À l'autre. Allô. On s'entend là-dessus. Et on a aussi l'émission « Dulude Carignan et associé » en compagnie de Sébastien Dulude, Alexandra Carignan. Un spécial du lundi. Spécial du lundi, pas mal ça, exactement. Mais aussi avec des artistes invités, des chanteurs, des gens, des artistes, des performances musicales. Gling, gling, gling, sa guitare, badaboum, badaboum, badaboum, sa batterie, sa table. Donc ça va être les 26 et 27 décembre. Voilà. C'est en avant. Je vais laisser ça de même, sans en parler à personne. Maintenant, tiens, on va y aller avec quelque chose que je vais vous en parler. Je vous en parle à tous les jours. En fait, on dirait que c'est tension. On dirait que c'est comme une obsession sexuelle, François. Sexuelle? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui m'a... Oh! Qu'est-ce qui m'attire? C'est Kinky Sexy Time Edition. Je ne vais pas assez beater pour que ce soit vraiment une intro. Hein. Mm-hmm. Donc, commençons. C'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Évidemment, qui est très, très osé. Boucher les oreilles des enfants présents dans la minivan ou quelque chose comme ça. Dans la minivan. Le condom moyen. Son épaisseur est de 0,7 mm. Un peu comme une mine de crayon à pousse-mine 0,7. Ah oui. Ouais. C'est le même. Hein. Ensuite, le goût. Le goût. Le goût. Le goût de l'eau. Le goût de l'eau. Non, pas vraiment le lot. C'est plus le liquide de garçon, le jus de garçon qu'on appelle. OK, le soir? Non, celui qui sort du... Ah, oh, de l'urine. Manche à... Non, pas celui-là, l'autre. Ben là, ben, de quoi tu parles? Processus d'élimination, tu vas l'avoir. Ben, il n'y en a pas d'autre. Le jus de garçon qui sort de l'engin, mais qui n'est pas de l'urine. On se comprend. D'accord. Donc, le goût de ça, après avoir mangé de l'asperge, est apparemment le pire goût du monde. OK. pour la personne qui a à manger ça. J'aime ça, les asperges, sans plus. Non, pis ça a jamais donné qu'après ça, tu t'es fait ben du coucou, squick, squick, badaboum, badabing, squick, squick. Non. Pas fait ça. Pas fait ça. Écoute, j'essaie d'arrêter d'avaler ce judo. Deux enfants sans coucou, squick, squick. Pour ta copine? Ah oui, mais écoute, ok, non, je pensais que tu parlais de moi. Mais là, toi, moi. Manger ton bois, ton. Ben, est-ce que tu dis manger ou boire? Parce que c'est comme un petit peu. C'est un peu des deux, ouais, c'est un peu dégueu. C'est comme entre boire et manger. On pourrait dire. Entre boire banger. Et manger, avaler. Moire. Ah, avaler. OK. J'essaie d'inventer un nouveau terme. Moire ou banger. Boire ou banger. Banger, moire. Ah, okay. En tout cas. Suivant. Okay. Après avoir eu les... Non, OK. Bon. Avoir des relations sexuelles au moins 3 fois par semaine pendant 1 an, c'est équivalent à courir pendant 75 000. Hé, titi! Pas pire, ça? Pas pire. Pas pire? Enfin, Mathieu Plante fait de l'exercice. Ah, une fois de temps. Ensuite, chaque année, plus de 300 tomes... Ce qu'il faut, je pense qu'il n'y a pas de S à 100, 300 hommes, en tout cas, vont souffrir d'un pénis fracturé après avoir eu des relations sexuelles. Donc 300 hommes. Un pénis fracturé. Pénis fracturé. 300 hommes sur combien c'est... Par année, c'est juste en général trop. Ben ça, la population, je ne pourrais pas dire, hein, sur plusieurs millions, j'imagine. Dans le monde. Dans le monde. Est-ce que j'ai dit dans le monde ou j'ai précisé un pays? Ça le dit pas. Ça le dit pas. Mais j'imagine que vu que c'est un site américain, c'est les Américains sont les seuls au monde, là, fait que j'imagine que ça doit être aux États-Unis. Il y a rien qu'eux autres, ça arrive. Mais pour vrai, il arrête pas de dire, tu sais, mettons, c'est l'affaire dont tout le monde parle, ou genre, c'est l'affaire dont le monde parle le plus dans le monde. Mais tu sais, c'est clairement juste les États-Unis. Ouais, mais ils sont bien centrés sur eux. C'est un peu ça. La personne moyenne va parler, OK, va dire 123 205 750 mots. OK, dans sa vie, OK, va avoir des relations sexuelles 4239 fois dans sa vie et va perdre 121 pintes de larmes dans sa vie. 121, t'as pas quoi, c'est pas mal. Là, c'est en général, j'imagine que les femmes moyenne. Sont à l'extrême de beaucoup, beaucoup, beaucoup et les hommes pas beaucoup, fait que là, c'est une moyenne, ça donne 121 pintes. Ouais, mais j'imagine. C'est beaucoup. C'est très beaucoup. Il y a une sorte de condom qui s'appelle Condometric. Okay, c'est un condom prophylactique qui va mesurer la longueur du pénis. Parce que tu insères le condom et puis il y a des lignes graduées comme sur une tasse, ça a mesuré. Ça va te dire... Condometric. C'est le fun. Ouais, fun à savoir. Embrasser la bouche ouverte va réduire les risques de caries. Embrasser la bouche ouverte. C'est avec la langue. Ouais, c'est la bouche ouverte. Avec la langue. Avec la langue. C'est mon imitation. Ça, c'est le bruit que ça ferait si on faisait du bruit quand on fait. Si on devrait commencer ça. Pas toi et moi. Non, c'est ça. Pas toi et moi. Mais en général. Tu peux. Vas-y. Quand je veux. Ben demain, dernière émission de la session, je te verrai pas des fêtes. C'est tentant. Non, pas avec moi. Ah, ok, excuse-moi. Ben, wow, je pensais vraiment qu'on était. Ben non. Ben, je suis désolé de te décevoir comme ça. Donc, réseau des caries. C'est bon. On aime ça? On aime ça. Porter trop de maquillage peut en fait masquer l'odeur qui attire l'homme chez la femme ou la femme chez la femme pendant l'ovulation. Le maquillage vient cacher certaines phéromones ou trucs comme ça qui te rend plus attirante. 25% de la population du monde, là on dit vraiment du monde au complet, 25%, le quart, OK, va rêver le jour, donc va avoir des rêves éveillés. Sur le sexe, à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment ou seconde de la journée, 25% du monde. Mmh. Alors, en ce moment, toi, non? Non. Moi, un peu, tantôt, ça m'a comme un petit peu turn off. Là. Ouais, ben là, je t'ai repoussé comme ça. Hein. Oh! Les adultes les plus sexuellement actifs au monde, devine qui sont une catégorie de gens. Hein, je vais te donner un indice, là, c'est un pays. Une catégorie de gens qui habitent dans un certain pays. Les plus sexuellement actifs chez les adultes. Pion. Je sais pas. Les Français. Les Français. Parce qu'ils ont des grosses baguettes. Des grosses baguettes. Ah, immature. L'homme moyen passe un total de 43 minutes par jour à regarder 10 femmes différentes. 43 minutes? On est tous des pervers, pour vrai, là. 43 minutes par jour. En moyenne. En moyenne, 10 femmes différentes par jour. C'est un bon total. Moins que ma moyenne. Moins que ta moyenne. Moins que ma moyenne, mais quand même. Le sexual écouteurisme, c'est un terme anglophone. L'écouteurisme sexuel, si on veut, réfère à être allumé lorsqu'on entend quelqu'un d'autre avoir des relations sexuelles. Par exemple, tes voisins ont des relations, ça va t'allumer, ça s'appelle du sexual écouteurisme. C'est bon, hein? Dis en anglais, même c'est tellement plus chic que le français. Quand même, hein? Dans un sondage international, encore une fois, partout dans le monde, 14% des gens admettent avoir couché avec l'amoureux ou l'amoureuse d'un ami dans son dos à cet ami-là. Non, ouais. Toi, t'as un ami, t'aurais couché dans son dos. Combien de pourcents? 14% des gens l'admettent. C'est pas 14% des gens l'ont fait, mais ça, comment tu veux savoir de toute façon? Et statistiquement parlant, pour terminer, les femmes australiennes ont le plus de chances d'avoir des relations sexuelles lors de leur premier rendez-vous. Ouais. C'est les Australiennes qui ont plus de chances. Donc, si ça vous tente de vraiment avoir une aventure d'un soir, trouvez-vous une Australienne. Ouais. Sauter comme un kangourou. Ils sont plus rares ici à Trois-Rivières. Oui. Plus rares. C'est rare. C'est vrai que c'est rare. Mais l'école de français l'été. Ouais. Mais des Australiennes? C'est j'imagine, plus... non, mais je sais pas, moi, là. Ben, c'est plus, en fait, de ce que j'avais compris. Les Canadiennes. Ouais, c'est sûr, exactement. J'imagine, mais il n'y a pas d'étudiants étrangers qui viennent de d'autres continents qui sont... Tu sais, je sais que les QTR envoient des... je sais pas, mais l'Australie, c'est loin d'ici. Des globes trotters, là. Ouais. À chercher du monde dans d'autres... Non, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait, bon. Peut-être. Voilà, c'est tout pour la chronique. C'est un fait. Kinky Sexy Time Edition. Voilà. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Il reste encore Selenix à faire dans quelques minutes, mais pour l'instant, on retourne entendre Maxime Bébé Tremblay, la vedette de toutes les jeunes filles. Ben oui. Non? Ben, c'est la vedette des jeunes filles. Il est tellement beau. Ben là, il fait les couvertures de tous les magazines. En tout cas, il le faisait à l'époque de Ramdam. Ah ouais? Je sais pas s'il le fait encore. Je sais pas. T'sais? Manolo. Sur son album Ça va, ça va, on l'adore sérieusement. Maxime Bébé Tremblay, si tu nous entends un jour dire qu'on t'aime, là, ben c'est parce que c'est vrai, OK? Voici rien de mieux. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé de mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé de mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle, je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. Que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. J'suis juste ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu rêves jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé de mieux que ton sourire qui s'éparpille. Qui se déshabille. J'ai rien trouvé de mieux. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Maxime Bébé Tremblay, sa pièce Rien de mieux, on l'adore sur l'album Ça va, ça va. Sais-tu quoi, François? On a un invité surprise en studio. Je te dis pas c'est qui. Hey, il est beau en plus. Il est beau puis il est bien habillé. Juste pour mettre les gens en contexte, là, juste sa petite intro, voir. Oh! Oh, c'est qui donc? Hey, commence pas ta chronique tout de suite. Non, non, t'as pas de micro. Attends. Prends celui-là. Il y a une chose qui s'en vient pour la dernière fois de l'année. Yeah. La langue dans ton oreille. Salut David Ferron. Ben bonjour. David Ferron, on est content de te recevoir en matin. Ben moi aussi, en fait, je voulais juste vous dire un petit bonjour. J'ai rien préparé, pas de chanson, pas de topo. C'est pas ta chronique. Ah, j'ai une chronique à faire. Ah, ben non, elle était hier ta chronique. On l'a fait à ta place. Ah ouais? On t'a pas imité, on était frère. Ok. Parce que j'étais inimitable. T'es inimitable? Oui. Ou on n'a pas envie de t'imiter. Non, c'est ça, ça devient complexe. Ben, c'est ça, non, mais tu sais. Donc, David Ferron, hier, t'avais ta chronique, la langue dans ton oreille, la dernière fois, t'étais pas là. Là, cette fois-ci, on peut te dire bye parce que t'es là en personne. On est content que tu sois venu gagner à la porte. Ouais, ben, félicitations, papa. Merci, merci, merci. Deuxième enfant pour François-Olivier, pour ceux qui suivent pas à la maison. Ouais. Deuxième. Ça fait quoi d'avoir deux enfants? Explique-moi ça. Raconte-moi le fait d'être un jeune papa, directeur général d'une station de local, d'une station de radio très réputée et très admirée. Sacré David Ferron. Il est liché autant que François-Olivier lui-même. Hein? Quand même. Écoute, on est dans la même catégorie. Il a appris. Écoute, ça va bien. J'ai pas grand-chose. Je me sens bien. Je me sens fatigué, par contre. Là. Puis, en fait, on dirait que je cours après mon temps, mais bon, c'est l'histoire d'une vie aussi. Là. Ben oui. Même pas d'enfant. Écoute, tu cours après ton temps. C'est clair. La semaine passée, t'as pu prendre un petit peu de répit pour t'occuper de ton enfant. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je suis quand même venu lundi, mardi, mercredi et vendredi. Tu sais. Donc, ça me laisse pas grand temps. Par contre, écoute, là, j'en profite. Demain, la dernière émission. Donc, après ça, les vacances de Noël. Écoute, exact. Je t'avoue que j'ai pas grand chose de prévu et c'est correct comme ça. Tu prends pas de vacances en janvier comme tu l'as fait l'année passée? Ah, février, habituellement. Okay. Ouais, c'est ça. Je me prenais. Ben là, je sais pas, c'est une bonne question. En fait, je pense pas être capable de le faire. Ouais. Il y aura plus de neige après ça. Fait que, si t'apprends pas là, t'apprendras pas. Hein. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. C'est malheureux. Je sais pas, c'est une bonne question que tu me poses là. Ouais. J'ai pensé, puis je me suis pas répondu moi-même. Donc, c'est encore une question qui est en suspens. Mais vous, David Ferron, vous êtes donc bien beau. Et qu'est-ce que vous faites à l'université ce matin? Il y a plus de cours. En belle chemise noire demain, ouais. Non, c'est quoi ça? Ben, je t'en deuil de ma session. Tu viens faire ton deuil à l'université un matin à 8h30? Non, c'est je reviens du travail parce que j'ai travaillé cette nuit. Et là, j'ai une réunion pour la préparation d'un congrès important qui aura lieu au mois de mai. OK, est-ce que tu peux nous en parler plus? Ben, c'est sûr que là, on n'a pas rien d'officiel encore. Donc, mais c'est un projet qui est annuel, qui est une année organisée par l'Université Laval, par en fait l'étude québécoise de l'Université Laval, puis une autre année organisée par le programme d'études québécoises de l'UQTR. Ouais, exactement. Donc, cette année... C'est les deux seules universités qui sont... Ben, en fait, c'est ça, c'est l'Université Laval, mais là, pour l'instant, cette année... On est encore dans nos préparatifs. Là. C'est encore, j'ai dit un scoop, puis je devrais pas. Bah, parce que c'est trop. On va le couper au montage. Mais non, c'est en direct. Ben, malheureusement, c'est ce qu'ils me disent. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Écoute, tu viendras nous en reparler de toute façon à l'Assemblage Requis. Ben oui. Quand tu auras les détails. Ou Alexandra, peut-être aussi. Alexandra Carignan, qui est également dans le comité organisateur. Donc, beaucoup de monde d'histoire à l'Assemblage Requis. Il me semble qu'il y a des choses. Ouais, c'est bon, fait du bruit. Ouais, c'est ça. En fait, qu'on peut entendre souvent ici, assez fou. Maxime Tanguay est pas là-dedans. Maxime, non, il est en géo. Ah, excuse-moi. Tu vois, moi, j'ai poché autant géo qu'histoire, fait que je mélange les deux. Oh, excuse-moi, David. Tu veux bien avoir un iPhone? Rapport! Hey, Gustave, là. Non, confonds pas, ça, c'est David Ferron. Gustave, il a une moustache. Ouais, mais les deux, ça ressemble. Ouais, Gustave est tellement nul, il a un iPhone. Mais justement, Gustave, est-ce que tu l'as revu depuis? Parce que là, on va raconter aux gens, il faut les remettre en contexte à chaque fois qu'on parle de Gustave. Gustave, tu sais, était un grand amateur de Windows 8, il nous avait téléphoné, c'était fait. C'était comme, bon, Gustave est là, puis là, David, on s'est rendu compte que, tu sais, la voix était similaire. Puis là, on a découvert qu'il y avait deux personnes, Gustave, David. Là, à un moment donné, Gustave a attaqué David. Fait j'ai tiré sur quelqu'un. Là, on pensait que c'était David, mais finalement, c'était Gustave que j'avais tiré. Là, Gustave, David est revenu pour prendre sa revanche sur Gustave. Gustave prenait sa revanche sur David. C'est comme un genre de Tom et Jerry. Ouais. Si on veut, mais là, Gustave fait quoi par les fêtes? Mais en fait, je sais pas parce que Gustave. J'ai entendu que Gustave serait en train de boire un martinet avec Mireille Mathieu. Ok, Mireille Mathieu. Ouais. Okay, en personne? Elle est pas morte, hein? Ben, ça a l'air qu'elle est increvable, là. Je sais pas si ça coupe. Comme Gustave, comme increvable. Une croquerelle. Ben, je sais pas si ça coupe champignon qui la protège de toute adversité, mais. Ça se peut, ça se peut. C'est un casse. Oui, c'est exactement ça. C'est comme une espèce de tampon pour tout absorber les épreuves de la vie. Là. Okay. Comme de la bonne musique. Là. C'est comme un tampon pour bloquer ça. C'est logique. Oui, logique. Aussi qu'on me parle de tampon, je comprends tout. Donc, en train de boire un martini, avec Mireille Mathieu. Donc, ça veut dire qu'on le verra pas avant un bout. Là. Il va rester là longtemps. Il va peut-être même coucher là, déjeuner là. Ben, hein? J'espère. Il peut pas venir, mettons, en studio, mettons, puis te verser son Martine dans les yeux, puis des affaires de même. Là, il fera pas ça. Non, c'est pas son genre, parce qu'il est trop égoïste. Il aime ça, boire le martini. C'est ça qu'il gaspillerait pas du martini, parce qu'en plus, il est un peu grippe-sous. Ah, OK, parce que si t'as lancé, il faudrait qu'il vienne te licher dans la face. Parce que, vois-tu, le martini, le problème avec Gustave, c'est que quand il prend un verre de martini, là, après ça... Il est fou. Ben oui, entre autres, pourquoi? Parce que là, il va prendre sa langue, puis là, il va licher vraiment la dernière goutte. Puis là, s'il n'est pas capable, il va prendre un cure-dent pour chercher la goutte. Uh-huh. Wow, hein? C'est un épicurien fini. Je le pensais pas de même, moi. Non, non, non. Plus ça. Ouais. Hein? Et qu'on va te souhaiter de survivre aux fêtes intactes. En janvier, tu vas nous revenir. Est-ce que tu nous reviens, David? Ben, si vous T'es voulez. Pas sûr? Juste si vous voulez. OK. OK, donc je suis pas certain qu'il revient. On va confirmer. On va parler après. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, tu reviens quand tu veux. Ben oui. Oh, c'est fin. Tu diras salut à Gustave demain. Ben ouais. Ah, je vais pas le voir, Gustave. Non? Qui crève. Oh, ben... Oh. Ah, ben... là, c'est trop, là. Mais sinon, t'as-tu vraiment de quoi de prévu pendant les fêtes, toi? Tranquille? Oh, oui, tranquille. Profiter du temps en famille, voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. OK. Aussi... Départir un peu? Ben, je sais pas encore, pas organisé officiellement, mais foirer comme une grosse vache. Ah! C'est correct, j'ai ça. J'ai besoin de foirer comme une grosse vache. C'est un comme... bœuf au masculin, peut-être, non? Ouais, mais on dirait que foirer, l'expression foirer comme une grosse vache, je sais pas, on dirait que c'est comme une locution. Ouais. Mais c'est con, là. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est quand même dur à faire dans le sens où... Ou, tu sais, en fait, on court tout le temps après notre temps. Et quand on a un peu de temps, ou ce qu'on travaille pas, ou ce qu'on a, tu sais, pour se détendre. On veut tout faire. Ben, on veut faire les affaires qu'on n'a pas le temps de faire. Oui. Ça devient que tu travailles quasiment plus que pendant que tu étais au travail. Ben, justement, moi, ces temps-ci, j'ai pas eu le temps de rien faire. Donc, je veux faire. En fait, je veux rien faire. Bon, on souhaite que tu sois capable de rien faire. Mais toi, tu sais, étant un petit peu, tu sais, comme too much action size, t'es en train de faire quelque chose, tu sais, mais la faire en même temps, j'ai l'impression que tu vas peut-être pas foirer tant que ça. Mais donne-nous des nouvelles en janvier si t'as foiré, OK? J'ai essayé. Oui, si t'as pas foiré, appelle-nous. Mais vous aussi, appelez-moi, puis on va faire une entrevue de fond sur ta vie, François-Olivier. Ah, sur ma vie à moi? Biographie. Oui. François-Olivier, ma vie, my life. Oui. Puis on a un invité spécial pour toi, François-Olivier. C'est qui? On accueille la DPJ. Non, c'est vrai. Oh! Ah, il est drôle, en Quelle plus. Mauvaise blague! C'est une blague! Quelle justement. Mauvaise blague! Mais non! Hey, je te demanderai de sortir! Va-t'en tout de suite! Hey, merci David d'être passé en studio, puis en janvier, on se retrouve toute la gang, OK? Ouais! Yes. Merci de m'avoir accueilli! Hey, on s'en la main? Oui! Je t'aime, François-Olivier. Ah, je t'aime, t'es. Il n'y a pas eu de pogne, il n'y a pas eu de je me passe la main dans les cheveux, puis club des 100 watts. Hey, c'est le temps des fêtes! Bon, ben, j'ai du Guy ici. J'ai un Guy. Non? Est-ce qu'on se donne un bisou? Non? Ça va? Toi, tu veux vraiment embrasser quelqu'un ce matin. Je pense que oui. Pense que oui. Et c'est plate que ça tombe sur moi. C'est plate un peu. Hey, on va transitionner vite de même. La fin de l'émission s'en vient. On fait SNX. Et aujourd'hui, dans Cénix, on fait une visite guidée du web et ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Commençons avec un portrait fait à la main en utilisant une technique qu'on appelle le stippling. C'est l'artiste Miguel Annera. Hein? Annera qui a fabriqué tout ça. En fait, vous pouvez voir comment il fait sur une vidéo sur assemblagerequis.com. Mais c'est vraiment fait avec 2,1 millions de points d'encre sur une feuille. Point par point. Et quand tu regardes même c'est de près... C'est un malade mental. Pour vrai, même de près, là, sa barbe, là, t'as l'impression que c'est une vraie photo, pour vrai. Là. C'est fait avec de l'encre, point par point. C'est génial. Allez voir ce beau monsieur moustachu. Et on le voit après ça avec sa photo, de son dessin, encore une fois. Son dessin de lui-même, le gars avec la photo. En tout cas, c'est... 34 choses qu'on peut améliorer avec un Sharpie. Tu sais, les Sharpies, les crayons feutres. Ouais, ouais. C'est cool, ça va bien, ces crayons-là. C'est ma marque préférée, je pense. On peut décorer une chaise en faisant des taches de zèbre. Bon, ça, c'est un petit peu cheap, là. On peut faire du papier peint. Quelqu'un qui prend vraiment son Sharpie pour faire des lignes sur le mur et aller voir ce que ça donne comme résultat, c'est très beau. On peut décorer ses lunettes de soleil avec un crayon Sharpie. On peut faire des étiquettes cadeaux. On peut décorer des serviettes de table. On peut faire des tasses parce qu'il y a des crayons Sharpie qui dessinent sur des tasses. Des œufs pour Pâques, par exemple. Des coussins, des bancs. Et il y a un paquet de photos, je ne ferai pas les 34. Là. On peut même décorer ses souliers avec des Sharpies. C'est très joli. Ça va vous donner des idées de cadeaux. Bon. C'est vrai. Tu trouves ça cheap comme idée de cadeau, toi? Non, non, pas ce peu. Ensuite, une bûche de Noël, version 8-bit. Noël est maintenant beaucoup plus pixelisée. J'aime mieux la manger, moi. Ben, c'est la crème glacée dessus, ça peut être bon. Crème glacée ou même... Bon, on va faire la pub, là, mais les bûches, là, Vachon, Maison, sont bonnes. Mais à chaque année, je dis que je vais en acheter un. Je finis par pas l'acheter. Ou encore, je finis par l'acheter, mais j'en mange genre le quart. Ah ouais? Ou, tu sais, mettons, tu la reçois en cadeau de, mettons, Xavier Antoard connecté l'année passée. Mm. Tu l'as mis dans ta valise de char. Ouais. Hein, Francis, ça te rappelle-tu des souvenirs, ouais. ça? Ça me rappelle quelque chose. Mais écoute, pour en revenir aux bûches Vachon, j'en ai mangé deux à date cette année. On est quoi, le 19 décembre? Écoute, je me suis gâté, c'est vraiment dans le temps. Puis je suis pas quelqu'un qui mange sucré, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de desserts, mais là, en fait, là, ouais, je me suis gâté. David est encore David, là, s'il veut réagir. Hein. Il me fait signe que ma silhouette est parfaite. Je suis un peu d'accord avec toi, David. Un petit doigt. Je suis... Check mes bras. Hein? Je me suis clé en plus. Check mes pipes. C'est plus des... Ouais, je suis bien vendu. Donc la bûche de Noël que je propose c'est une version 8 bits en vidéo, donc vous pouvez la faire jouer par exemple sur la TV si vous avez votre ordinateur de brancher sa TV. C'est une petite bûche de Noël 8 bits, ça pourrait mettre de l'ambiance, j'aime bien ça. La maudite chanson Gangnam Style a tué quelqu'un, littéralement. C'est triste, mais ça a tué quelqu'un. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je vous le répète, sinon, Eamon... Ouais, t'as entendu parler, David? Eamon Kilbride, 46 ans, père de 3 enfants, manager d'ordinateur, un truc d'informatique, dans une brasserie du nord-ouest de l'Angleterre, a été prononcé mort samedi soir après s'être effondré lors de partie des fêtes. Apparemment, qu'il dansait sur scène Gangnam Style, puis... Crise cardiaque. Il a dit qu'il y a eu un malaise, il est allé à la salle de bain. Il a dit à sa copine avant de s'en aller, je t'aime. Il est allé à la salle de bain, gros malaise, effondré, mort. Triste, hein? Ça finit mal. Triste. Ça finit très mal. Si on revient au côté plus léger de la chose, le pape a évidemment envoyé son premier tweet sur un iPad et il y a les photos qui sont sorties. Donc, si vous voulez voir les photos du pape en train de tweeter. Il est rendu sur Twitter? Oui, tu savais pas ça? Pontifex, ça fait quand même, je pense, ça fait peut-être 2 semaines de ça qu'il est sur Twitter. Non. On n'avait pas parlé encore, mais on peut voir des photos de lui en train de... Je suis vraiment pas Twitter, moi, personnellement. Moi, je suis devenu Twitter récemment. Ouais. Redevenu Twitter. Bon, des vandales de cartes de baseball maintenant. C'est un nouveau Tumblr, un blog. Donc, le gars prend des cartes de baseball et les modifie avec un Sharpie et modifie leur nom. Par exemple, c'est qui le joueur de baseball qui s'appelle A quelque chose Martini? Ben, il a barré le reste de son nom, puis c'est A Martini, puis il a dessiné une coupe de Martini dans la main alors qu'il était en train de lancer une balle. T'sais. Il modifie des photos de même, là, c'est comme des graffitis. C'est raté complètement, c'est juste drôle. Keith Miller devient Keith Missed It. Puis là, ben, on voit qu'il a complètement raté sa shot avec sa balle. sinon, il y en a plein d'autres. Il y en a qui dessinent un éléphant, puis le gars est en train de battre un éléphant. Puis il s'appelle Get in the Ark. Ça veut dire quoi, ce monde dans l'arche de Noé? Ah, c'est cute. C'est tout des jeux de mots, des enfants comme ça, c'est bien. Ensuite, il y a un nouveau site qui extrait au hasard un GIF animé de Wikipédia. Les GIFs animés sur Wikipédia sont une source inépuisable de plaisir. Donc, wikigifs.herokuapp.com. Des choses intéressantes. Par exemple, comment apprendre à jongler. Sur Wikipédia, il y a une page comment apprendre à jongler. Ben, tu sais, pour vous apprendre à jongler. C'est dur. Et là, on voit Danny des bonhommes. Danny est capable. Ouais, Danny Janvier, ouais. Donc, on voit des gens, genre bonhomme allumette et des balles qui bougent très lentement de couleur. C'est ça le GIF animé. C'est vraiment très mal fait. Je peux pas croire que personne s'est forcé plus que ça. Un guide illustré des repas des fêtes à travers le monde. Donc, tout le monde mange pendant les fêtes. Des traditions. Chaque pays a des traditions différentes, exactement. Par exemple, en Australie, on mange des crevettes grillées, du jambon et des légumes grillés. OK. Hey, j'ai faim, là. Ouais. Au Brésil, on mange de la dinde, du riz coloré et du jambon. Du riz coloré, wow. Ouais, ouais. Au Canada, dinde, farce et pudding au raisin. C'est vrai quand même. En République tchèque, des biscuits décorés, des carpes frites et de la salade aux patates. Ça a l'air bon, la salade aux patates. Danemark, des patates caramélisées, du pudding au riz, du rôti de porc et du canard rôti. Donc, ça vive le Danemark. Vive le Danemark. Ils vivent tous les pays quasiment. Ils ont tellement de la bouffe, des fêtes géniales. Sauf en Italie, ils mangent des pâtes, sérieusement. Ils mangent des pâtes. C'est plat. C'est un peu plat, pas mal. David a pas l'air bien flou, là. Trop de bouffe en même temps. Ouais. Du foie gras. Oh, bon. Comment faire votre propre chandail? T'sais, un chandail des fêtes, là. Tout le monde connaît le chandail des fêtes typique, là, genre donné par papa. Laine. Exactement. Mais ici, vous pouvez le faire avec un iPad intégré et avoir un feu. Une animation de feu. Donc, une application que vous pouvez télécharger sur l'article sur assemblagerequis.com qui vous montre comment intégrer l'iPad à votre chandail et comment mettre l'application pour que le feu roule. Ça prend un chandail spécial? Si je comprends bien, je sais pas comment ça fonctionne exactement, là, parce que j'ai pas regardé la vidéo de comment le faire, là. Mais ça se fait pas pour n'importe qui. Pas mal n'importe qui peut faire ça, ce qui paraît. Voilà. Il y a une application qui choisit une seconde par jour de votre journée, OK, et va faire un genre de document vidéo à la fin pour vous montrer de quoi a eu l'air votre vie depuis que vous avez l'application. Une seconde est récoltée par jour par la caméra. Très cool, ça. C'est très cool. Sur iPhone? Oui, c'est sur iPhone. Présentement, ils sont en train de ramasser de l'argent sur comment on appelle ça? Est-ce que c'est sur Kickstarter? Oui. $1 pour acheter cette application-là. C'est 1 second every day. Et, ouais, ça existe. Ça va exister aussitôt qu'ils vont avoir amassé assez d'argent. C'est un Kickstarter, donc ils ramassent des fonds. Présentement, ils sont ils ont atteint leur but. Ils sont rendus à 50 000 sur un but de 20 000, avec 9 468 personnes qui se sont montrées intéressées. Et il reste encore 8 jours au projet, donc allez encore donner de l'argent. Plus vous donnez d'argent, plus vous avez de bonus sur Kickstarter. Par exemple, genre votre nom dans le générique de l'application. Bon, c'est l'affaire comme ça. Si vous donnez plus d'argent, vous pouvez vous rendre jusqu'à... C'est le maximum qu'on peut donner, et $1,350. Beaucoup de récompenses dans ce cas-là. Ensuite, des personnages de livres fabriqués en origami à partir des pages de leurs propres livres. Par exemple, Hermione Granger, Harry Potter, Ron, etc., qui sortent d'un livre. Donc, ils ont plié les pages d'un livre. Pour faire ça, allez voir les exemples sur assemblagereki.com. Et puis, j'en saute quelques-uns ici pour terminer. Pour les geeks, les gens qui aiment Walking Dead en ce moment, tout le monde aime The Walking Dead. AMC, la chaîne aux États-Unis, va repasser les 18 épisodes de Walking Dead jusqu'à maintenant en noir et blanc au mois de février. Ça va être un hommage à la bande dessinée Walking Dead qui était en noir et blanc à la base. Donc, février 2013, et ça va être disponible partout sur Internet après. Donc, procurez-vous ça. Walking Dead en noir et blanc, ça met encore plus dans l'ambiance. Et on va terminer... Colin, j'avais une chanson pour terminer l'émission, mais on va pour terminer la chronique, mais on va terminer l'émission avec à la place. Ça va? OK. Ça te va? On va terminer ici. Puis après ça, on va se quitter avec la chanson. Donc, c'est tout pour Assemblage Rocky. Demain, dernière émission de la session. Dernière émission, je vais essayer d'avoir du courant et d'arriver à l'heure. Ben, on le souhaite bien, hein? On préfère un spécial de 6 heures. 6 heures. Demain. On commence à, tu sais, 4 heures du matin. Non? Pas. Non? Non. Non. Check David. David, vas-tu être là? Il était là aujourd'hui, puis il était là en esprit hier. Donc, demain, l'émission, on aura Maxime Bétuy, sa chronique ciné-télé, sa dernière chronique à vie, il s'en retourne en France. On aura aussi une nouvelle chronique de la part de notre amie Stéphanie Paradis, celle qui fait la chronique Zone Campus depuis le début de l'année, de la session, et qui a co-animé avec moi la semaine passée quand t'étais pas là. Mm-hmm. On va avoir une toute nouvelle chronique demain. Elle a fait une bonne job de co-animation. C'est vrai, hein? C'est pas mal, mais... Allez, ça sort la main. Je te souhaite de joyeuses fêtes, David. Toi aussi, François-Olivier. Restez sur nos ondes, restez à l'écoute. À partir de 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, on aura quelques rediffusions. Je sais qu'il y a entre autres là-dedans le Voyage insolite, album classique et d'autres affaires même. Et puis, c'est ça. Électro-tactile à 19h, le reste, je ne sais pas. Bon, c'est clair ça? C'est très clair. On se quitte avec une chanson. En fait, c'est un remix, OK, d'une chanson. La chanson thème de Pokémon. On connaît tous la chanson de Pokémon, OK? Pokémon, OK? Ouais. Mais on connaît aussi le rappeur DMX. Ouais. Est-ce qu'on connaît DMX? Moi, je le connais pas, mais... Oui, DMX, évidemment, DMX. Walk This Way. Walk This Way, tu peux te rapprocher du micro. C'est Aerosmith. Mais c'est... avec Run DMC. Ouais, mais la version originale, c'était Aerosmith. Ouais. Mais en fait, un remix avec quoi? Ouais, ok, je sais pas, je l'ai pas entendu. C'est bien possible, mais bref, DMX et Pokémon ont été mashopés par quelqu'un de l'auditoire. C'est la chanson Ash Gonna Give It To Ya, et c'est évidemment The Very Best, comme dans la chanson de Pokémon, on se quitte là-dessus. À demain. Oh, wow! Ça finit bien, ça. Go give it to ya. What? Fuck me for you to get it on your own. X go deliver to ya. Knock, knock, open up the door to spill. Hit the non-stop, pop out the stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you care. Damn right, can I do it again? Damn, I am like so. Got to win. Break bread with the enemy. What? No matter how many cats I break bread with, I break who you sending me. Yeah. Motherfucker never won enough, but your life saved. And that's on a life day. I'm getting down. Your nigga said freeze. Won't be the one ending up on his knees. Bless please. The only thing you can't steal is get out the place. Stay out my way.